بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة Je suis très heureux et ravi de vous retrouver aujourd'hui le 19 شعبان de l'année 1444 de l'Égire, le samedi 11 mars 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre notre lecture dans la compilation des fatawa de Cheikh al-Allama Ahmed ben Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la sunna. Avant de passer à la deuxième partie de ce livre de Fatawa, il y a un passage que j'avais pas lu dans les cours précédents quand Cheikh Rahimahullah a été interrogé au sujet des différentes sectes et il lui a été demandé de donner une description brève de ces sectes et aussi de montrer les grandes lignes de l'manhaj al-salafi. On avait lu ce qui concerne les sectes et il restait al-manhaj al-salafi, la voie de vérité. Certains frères m'ont fait le rappel qu'Allah les récompense. Donc, on va commencer par ça. Pour ceux qui ont, en tout cas, le livre que j'ai devant moi, c'est dans la page 90 où Cheikh a commencé par décrire al-manhaj al-salafi. S'il y a une interrogation, le seul moyen où je peux voir ce que vous écrivez, c'est sur Mixeller. Si c'est écrit sur dans le chat de Mixeller. Barakallahu fikum. Donc, Cheikh, il a dit al-manhaj al-salafi. اولا ان دين لله عز وجل بالتوحيد فلا ندعو احدا سواه ولا نلتجئ الى احد غيره في جلب نفع او دفع ضر. Donc المنهج السلفي tout d'abord c'est l'unicité d'Allah, at-tawhid. Et les termes qui sont très importants dans notre religion comme les piliers de l'islam, comme tawhid, comme shirk, ces choses-là, faut les retenir en arabe. Faut les retenir en arabe, même pour ceux qui sont très très débutants dans la langue arabe. C'est pas toléré que quelqu'un est musulman depuis 10 ans, 20 ans, et continue toujours à dire l'unicité d'Allah. Et l'associationnisme, et la prière, et l'aumône. Ces termes qui sont très très importants dans notre religion, notamment les cinq piliers de l'islam, at-tawhid, faut les utiliser en arabe afin de se familiariser avec ces termes-là et enseigner à nos enfants ainsi. Et ça c'est une des sagesses, mais il y en a d'autres sagesses qui font que c'est très très important d'utiliser ces termes dans la langue de la révélation, même pour quelqu'un qui est débutant. Sauf s'il y a un besoin pour expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est Tawhid, je peux lui dire l'unicité d'Allah et après lui expliquer et l'inciter à dire Tawhid. Donc, la première chose la plus importante dans la méthodologie salafi, dans la voie de salaf, c'est tout d'abord l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vouons un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes nos adorations sont vouées uniquement à Allah. Nous n'adorons ni les anges, ni les prophètes et messagers, ni les vertueux, ni les savants. Nous n'adorons que Allah subhanahu wa ta'ala seul et d'une manière exclusive. et nous rejetons tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et nous croyons fermement que c'est caduque. Toute adoration vouée à autre qu'Allah est caduque. Et nous nous remettons qu'à lui, subhanahu wa ta'ala, pour nous apporter le bien et repousser de nous le mal. Également, dans ce tawhid, regardez les savants de tawhid. Cheikh Najmi, bien évidemment, c'est un savant de tawhid qui a consacré sa vie à propager tawhid, même vers la fin de sa vie, rahimahullah. Et peut-être que j'ai cité ces anecdotes dans le début de ce cours. En tout cas, c'est parmi les savants qui donnaient énormément d'importance au tawhid. Regardez là, il souligne des points très très importants, fondamentaux dans le tawhid. Il a dit « وَأَنَّ تَعَبَّدَ بِبُغْضِ الْمُشْرِكِينَ وَعَدَوَتِهِمْ » Également, dans ce tawhid, on se rapproche d'Allah avec la détestation des associateurs et leur animosité. Ça fait partie de tawhid. Wallahi, entre parenthèses, je passais devant un frère à Mecca que je ne connais pas, mais j'ai entendu ce qu'il a dit. J'ai entendu ce que son collègue, son frère lui a dit et comment était sa réponse. Wallahi, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a attristé énormément pour ce frère, pourtant qui avait une bonne apparence, jeune. Son frère lui dit, est-ce que t'es lassé d'être à Mecca? Est-ce que t'aimerais retourner, je ne sais pas dans quelle ville de France? Il lui a dit, c'est pas que je suis lassé d'être ici, mais j'ai hâte de rentrer chez moi en France et d'avoir mon lit et de me reposer et de dormir. Wallahi, ça me donne les larmes aux yeux qu'un musulman parle ainsi. T'es à Mecca, l'endroit le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a facilité de venir et et t'as hâte de retrouver ton lit, ton matelas. Allah al-musta'an. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous fasse miséricorde. En tout cas, al-mu'min, il se doit de détester al-kuffar et se désavouer d'eux. Al-muslim se doit de détester al-kuffar et se désavouer d'eux. Et ne pas les aimer parce qu'ils ont plus de dunya. Comme on va voir dans Fadl al-Islam, le mérite de l'islam, le bonheur, c'est pas l'argent, c'est pas la richesse, c'est pas les variétés de plaisir et de désir et d'envie. Le bonheur, le vrai bonheur, c'est quelque chose dans le cœur. C'est une sérénité, c'est un apaisement, c'est une tranquillité qu'Allah place dans ton cœur où tu deviens heureux et épanoui. C'est pour ça que tu trouves que le kuffar, même s'ils arrivent à avoir toutes les fortunes de la planète, le statut, le pouvoir, mais ils sont tristes au fond d'eux. Ils ne connaissent pas le bonheur. Le bonheur, il se trouve uniquement dans la conformité à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu te conformes à sa législation, et plus tu te soumets à lui, plus tu auras de bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est une conviction de laquelle le croyant n'a aucun doute. Donc, ensuite, Cheikh a dit, Lakin, tout en détestant les païens, les polythéistes, les associateurs, on doit les appeler à la religion d'Allah, à commencer par son unicité, par Tawhid. Et on doit leur montrer ce que c'est l'islam et qu'il n'y a pas d'islam sans Tawhid. Et que celui qui invoque autre divinité qu'Allah est un mécréant. Et celui qui persiste parmi ceux qui se disent muslimines et qui sont sur des pratiques païennes, sur de l'associationnisme, on doit leur montrer la vérité d'abord. Et après, s'il persiste dans son égarement, s'il reste dans sa déviance, on s'écarte de lui et on se désavoue de lui. C'est notre devoir. Le deuxième point, nous devons montrer aux gens ce que c'est la croyance des pieux prédécesseurs, qui est basée sur la description d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les attributs par lesquels il s'est décrit dans son livre ou par l'intermédiaire de son messager, et affirmer tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans falsification, sans anthropomorphisme, donner des semblables à Allah dans ses noms et ses attributs, et sans les renier non plus, ni falsifier leur sens avec une soi-disant interprétation qui n'a aucun fondement. Allah, il nous dit qu'il descend dans le troisième tiers de la nuit, dans le premier ciel, le ciel du bas monde, réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et l'Ash'ari vient, il dit, c'est son ordre qui descend. Est-ce que les ordres d'Allah descendent uniquement dans le troisième tiers de la nuit? Ils descendent à n'importe quel moment, quand il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une falsification qui n'a aucun fondement, qui n'est pas connue des compagnons. Et tu ne trouveras de toute façon aucune falsification dans les paroles des compagnons, radiyallahu anhum, d'un attribut d'Allah. Tu ne trouveras jamais cela. Et tout ce qu'ils peuvent citer, c'est de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et qui n'est pas rapporté de lui authentiquement par rapport à la jambe, l'attribut de la jambe. Et ça, c'est faible. C'est rapporté avec une chaîne de transmission faible. Par contre, tu ne trouveras jamais quoi que ce soit rapporté des compagnons dans lequel, ni des récits dans lesquels ils disent la miséricorde, c'est vouloir le bien. La colère, c'est vouloir le châtiment de la personne. La descente d'Allah dans le ciel du bas monde, c'est la descente de ses ordres ou de ses anges. Ces gens-là, parce qu'ils sont tombés tout d'abord dans l'anthropomorphisme, ils ont comparé Allah à ses créatures, et après ils ont cherché à fuir cet égarement en reniant les attributs. Amma al-sunna wal-jama'a, la question est simple pour eux. Tout ce que Allah s'est attribué à lui-même dans son livre ou dans la sunna de son prophète, nous l'affirmons réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et Allah n'est semblable à aucune de ses créatures. Nous comprenons le sens. Allah aime Les Arabes savent ce que c'est Allah, ce que ça veut dire Allah aime. Mais est-ce que Allah aime comme la créature aime? Bien évidemment que non. Le comment, nous l'ignorons, mais nous comprenons le sens que comprennent les Arabes de tous les attributs d'Allah et nous croyons que c'est réel et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit la vérité. Comme a dit un salaf, il a été, quand il y avait des gouverneurs qui étaient dans l'égarement de le Mu'tazila, qui ont suivi le Mu'tazila dans leur égarement par rapport au nom et attribut d'Allah, à l'époque de l'imam Ahmad, rahimahullah, un salaf a été convoqué par le gouverneur et voulait le punir parce qu'il savait qu'il affirmait les attributs à la façon de salaf. Et il a ramené un savant Mu'tazili pour débattre avec lui. Il lui a dit, qu'est-ce que le gouverneur lui a dit à ce savant? Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas dire si Allah il te dit, pourquoi tu m'as attribué la parole? Pourquoi tu m'as attribué la parole? Parce que nous ne croyons qu'Allah parle réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Il parle avec des lettres et des sons qui sont écoutés par les autres créatures. Jibril alayhi salam a entendu le Coran directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a rapporté à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit, qu'est-ce que tu vas dire? Il va lui dire, Ya Allah, tu nous l'as dit dans le Coran que tu parles. Et d'ailleurs, le Coran, c'est ta parole. Et il savait plus quoi répondre. Par contre, toi, si tu dis, Allah a créé un arbre, et il lui a révélé le Coran, et c'est l'arbre qui a parlé avec le Coran, ou Allah a mis l'essence du Coran dans la poitrine de Jibril, et Jibril qui a exprimé le Coran, et qui a parlé avec le Coran, et Allah n'a jamais parlé avec le Coran. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Quels sont tes arguments? C'est toi qui n'as pas d'argument. Al-Ash'ari, Al-Maturidi, et encore pire, Al-Mu'tazili ou Al-Jahmi, c'est eux qui n'ont pas de preuves. Ils n'ont que leur raison corrompue. Amma Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils sont derrière les imams de Salaf, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, et avant eux, Sufyan Al-Thawri wa Sufyan ibn Uyayna, والليث ابن سعد والحمادين et ainsi de suite. Tous les imams de Salaf, ils étaient sur cette aqida. Donc ça, c'est le deuxième fondement de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a que Cheikh a cité. Le troisième point qu'il a cité, c'est l'affirmation des noms d'Allah, les noms sublimes avec lesquels il s'est décrit. Que ce soit dans le livre d'Allah ou dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Nous ne faisons aucune différence entre le Coran et la sunna du point de vue de la législation. Ils ont le même poids. Le Coran est supérieur, qui est le Coran qui est la parole d'Allah, est supérieur à la sunna qui est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais les sens de la sunna sont révélés par Allah. Donc le Coran, il est supérieur de ce point de vue. Mais du point de vue de la législation, ils sont égaux. Ce qui est rapporté dans le Coran, c'est comme ce qui est rapporté dans la Sunna. Et nous ne faisons aucune différence entre les deux de ce point de vue. Le quatrième point, nous croyons que le seul moyen pour parvenir à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et accéder à son paradis, c'est la voie du messager alayhi salatu wassalam. Et que celui qui demande la satisfaction d'Allah par autre voie que celle du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il est dans l'égarement. Et il est loin de la vérité. Il est aveuglé devant la vérité. Et il perdra الدنيا et l'akhira. Ça, c'est l'égarement. Car tu dois réunir les deux points, les deux conditions d'acceptation de n'importe quelle œuvre. Tu l'as fait pour Allah sincèrement, conformément à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. S'il manque une condition, l'acte sera rejeté. Allah n'accepte que ce qui réunit ces deux conditions. Donc, n'œuvre que pour Allah. Et que tes œuvres soient conformes à la sunna. Si tu veux vraiment l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième point, nous croyons que la législation d'Allah, c'est ce qui nous a été rapporté dans les deux révélations, le livre d'Allah et la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Et c'est ça qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri » Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager alayhi salatu wassalam. Il lui dit, dans le sens approximatif, « Puis nous t'avons engagé, c'est-à-dire au prophète d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons engagé sur la voie de l'ordre suprême. » Suis-la donc et ne suis pas les penchants de ceux qui ne savent rien. Donc suis la législation qu'Allah t'a révélée, le Coran et la Sunna. Car les gens sont uniquement de deux catégories et il n'y a pas une troisième. La première catégorie des gens, c'est ceux qui suivent la révélation. Et la deuxième, c'est ceux qui suivent la passion. Et ça, c'est parmi les versets que les savants citent comme preuve sur ce point. فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Car si tu ne suis pas la législation d'Allah qu'il t'a révélée, forcément tu suivras la passion et tu suivras les penchants des gens, leurs avis, ce que leur raison leur dicte, ce que leur ignorance leur invente, et ainsi de suite. Dans chaque affaire, tâche à ce que tu suives ce qui est rapporté dans Al-Athar, ce qui est rapporté dans les textes, dans chaque chose de ta vie. Cherche, est-ce qu'il y a une sunna? S'il y a une sunna, suis-la. S'il n'y a pas, l'affaire est large. Al-Amru wasi'. Et bien évidemment, dans les affaires de la religion, il n'y a pas une chose dans laquelle il n'y a pas de sunna. Il n'y a pas de législation. Mais même dans les affaires de dunya, il y a des choses dans lesquelles il y a une sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a une guidée, il y a une pratique prophétique, elle est meilleure pour toi, malgré qu'elle n'est pas obligatoire. Et pour donner ce sens, il a été rapporté de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, qu'il disait... إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. Si tu peux ne pas te gratter les cheveux qu'avec quelque chose qui est rapporté dans l'athar, fais-le. Alors imagine-toi pour se gratter la tête, tu vas regarder comment, tu vas chercher à savoir comment le prophète alayhi salam il faisait, comment salaf, comment les compagnons ils faisaient. Alors que dire des choses qui sont des obligations religieuses. Le sixième point, nous croyons que le Coran est la parole d'Allah qui a été révélée et qu'il est incréé et que la sunna le clarifie et le détaille et l'explique. Donc le Coran On l'explique avec le Coran. Et on l'explique ensuite avec la Sunna. Et avec les explications des compagnons. Quand des versets sont expliqués dans d'autres versets, ni dans une surah ou là dans un verset, le jugement est cité d'une manière globale. Et ce jugement, ce même jugement est détaillé dans un verset, dans un autre. Ça, c'est la meilleure explication du Coran, comme a cité l'imam Ibn Kathir dans l'introduction de son tafsir. Ensuite, l'explication du prophète, alayhi salatu wassalam, du Coran. Mais le Nabi, alayhi salatu wassalam, n'a pas expliqué le Coran dans sa globalité. Car dans le Coran, il y a des choses qui ont besoin d'être expliquées. Et d'autres choses qui sont comprises par les Arabes, ceux qui ont la langue arabe. Et d'autres choses, il les a expliquées avec ses actes, et non pas avec ses paroles, alayhi salatu wassalam. En tout cas, si on ne trouve pas l'explication d'un verset, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, on revient aux explications des compagnons, radiyallahu anhum, car c'est les meilleurs de cette communauté, et ce sont eux qui ont le mieux compris le Coran et la Sunna. Ensuite, on revient aux tabi'in, ceux qui ont vu les compagnons et qui ont pris la science des compagnons. Et ça, c'est la méthode athariya dans l'explication du Coran. Et il y a des tafasir qui ont donné de l'importance à ces étapes et qui ont respecté ces étapes-là. À leur tête, le tafsir de l'imam de l'Mufassirin, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, qui est parmi les tafsirs, si ce n'est pas le tafsir du Coran, le plus important et le plus athari. Et l'imam Ibn Jarir, c'est un imam salafi. Ensuite, tafsir Ibn Kathir, rahimahullah, qui a profité énormément de tafsir Ibn Jarir. De toute façon, tous ceux qui sont venus après Ibn Jarir, ils ont profité de son tafsir. Ibn Kathir également, c'est un imam salafi. Aussi, tafsir l'imam al-Baghawi. Et tafsir l'imam Ibn Sa'di, un contemporain qui est plus accessible pour les débutants. Et aussi, tafsir Suyuti, pour ceux qui ont plus de science. Suyuti, malgré qu'il n'était pas salafi dans l'aqid, dans les noms et les attributs d'Allah, dans l'aqidah d'une manière générale, il était ash'ari, mais dans son tafsir qui est appelé Ad-Durrul Manthur, il a tâché à regrouper tout ce qui est rapporté du salaf par rapport à l'explication des versets. Donc, c'est une grande compilation et un grand travail de As-Suyuti rahimahullah, mais c'est pour les gens qui connaissent et qui maîtrisent Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Aussi, nous devons, le septième point, nous devons nous référer à la méthode de l'muhaddithin, les savants du hadith, dans l'authentification des ahadith, afin de distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, à travers l'étude de la chaîne de transmission. Le huitième point, l'obéissance aux gouverneurs musulmans tant qu'ils sont dans le cercle de l'islam. On leur obéit tant qu'ils accomplissent la salat. Dans les riwayat, tant qu'ils font la salat. Car accomplir la salat, c'est un degré supérieur à faire la salat. Donc, leur obéissance est une obligation, quand bien même ils sont injustes. Quand bien même ils sont injustes. Et que celui qui dit qu'il est autorisé de s'insurger contre le gouverneur muslim quand il est injuste, c'est un innovateur égaré. Et ceux qui prétendent qu'il y a une divergence entre les salafs, ceci n'a aucun fondement. Comment il y a une divergence entre les salafs alors que tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et avant les versets du Coran dans lesquels il y a l'ordre de l'obéissance au gouverneur sans exiger qu'il soit parfait ou qu'il soit comme Abu Bakr et comme Umar radiyallahu anhuma. Tous ces hadiths dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam dit clairement d'obéir au gouverneur comme bien même ils sont injustes, comme bien même ils te frappent, comme bien même ils prennent tes biens. Tu dois continuer à lui obéir dans l'obéissance d'Allah et ne pas appeler à s'insurger contre lui et à le renverser. Et tu dois patienter jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne une issue. Ça, c'est aqidat ahl sunnah wal jama'a. C'est le devoir de l'obéissance au gouverneur à une seule condition. Il y a une différence entre quand on choisit le gouverneur et quand il est déjà en place. Quand il est en place, la seule condition requise pour lui obéir, c'est l'islam. Et même, comme vous savez, même quand il est mécréant, c'est pas parce qu'il est mécréant que tu as le droit de t'insurger contre lui. Il y a la condition de la capacité. Al-Qudra, car rien n'est obligatoire qu'avec la capacité. Et si on n'a pas la capacité, même s'il est kafir, on patiente. Et on continue à patienter. Lakin, quand il est musulman, il est interdit à l'unanimité entre salaf. Et n'écoutez pas ceux qui disent qu'il y a une divergence. Il n'y a pas de divergence. Ceux parmi salaf qui se sont insurgés contre un gouverneur, c'est avec une interprétation et c'est une erreur. Même leurs contemporains parmi salaf, ils ont dit que c'était des erreurs de leur part. Qu'Allah leur pardonne. Ils disaient à l'un d'entre eux qui a essayé dans un premier temps de s'insurger et après il est revenu. Il disait, Alhamdulillah, j'ai pas participé dans ces meurtres. Et dans ces troubles, il disait ça à Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, rahmallah, lui disait, et qu'est-ce que tu vas dire devant Allah de tous ceux qui t'ont vu sortir, ils sont sortis parce qu'ils ont dit, un tel savant est sorti. Donc ça ne peut pas être un égarement, ça ne peut pas être interdit. Et il pleurait, jusqu'à ce que tous ceux qui étaient présents avaient pitié de lui. Naam, t'es pas sorti. Lakin, si t'as appelé les gens à sortir, même si tu t'es repenti, qui te dit que tout le monde a su que t'es revenu? Et après les gens, surtout les ignorants, quand ils sortent, qui va les arrêter? Qui va les contrôler par la suite? Donc, il n'y a pas de divergence dans l'obligation d'obéir au gouverneur du moment qu'ils sont dans le cercle de l'islam. Et c'est haram de s'insurger contre eux. On n'a que la patience. Et on essaye de nous réformer nous-mêmes. Car, ummalukum, a'malukum. Car vos gouverneurs sont en réalité l'image de vos actes et de vos œuvres. Le gouverneur, en réalité, n'est que l'image des gouvernés. Comme ils disaient les salafs, « Kama takounu yuwalla alaykum ». Vous serez gouvernés par des hommes qui sont comme vous. Et si vous êtes, comme il disait Ali radiallahu anhu, Quand il y a eu les troubles à son époque, certains lui disaient pourquoi à l'époque de Omar et de Abu Bakr al-Siddiq, il n'y avait pas autant de troubles. Et à ton époque, il y a énormément de troubles. Il disait parce que Abu Bakr et Omar, ils gouvernaient des hommes comme moi. Et moi, je gouverne des hommes comme vous. C'est ça la cause des troubles. Vous ne respectez pas la sunna. Vous ne vous conformez pas au livre d'Allah avec sa bonne compréhension. Vous êtes venu avec des nouvelles compréhensions innovées. Wallah al-musta'an. Le neuvième point, il n'est pas autorisé de propager les erreurs et les défauts des gouverneurs musulmans, car ceci est une provocation à la haine contre eux et à remonter les gens de la masse contre eux. Et ça, c'est contraire à la sunna. Ça, bien évidemment, dans le cas où ces erreurs sont réelles, sont avérées. Faut pas les propager. Faut leur faire dua qu'Allah les réforme. Alors, que dire de ceux qui mentent, et encore pire aujourd'hui, qui font des images et des photos avec Photoshop, et ils te montrent, il a un salib, une croix, il a ça, il a ça, il s'est prosterné devant une statue. Ne te précipite pas, Akhil Karim. Et les fitanes sont dangereuses. Donc, comme bien même, il y a des erreurs qui sont avérées, tu ne dois pas les propager. Au contraire, tu dois appeler les gens à rester dans l'obéissance et à faire des invocations envers leur gouverneur pour qu'Allah les réforme. Car dans la réforme du gouverneur, une réforme pour la Ummah. Le dixième point, nous devons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la sunna et le suivi de la sunna, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous devons détester les innovations et les innovateurs. Car le prophète alayhi salam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » Celui qui fait un acte dont on n'a pas donné l'ordre, ça sera rejeté. C'est-à-dire, ça ne sera pas accepté. Et dans une autre version, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd » Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ça sera rejeté. Donc, l'ensemble de ces deux versions représente une réfutation de l'innovation de celui qui l'innove et de celui qui le suit dans cette innovation. La réfutation de toutes ces choses-là. Ensuite, il a dit, rahimahullah, en résumé, avec ses paroles concises, dans la description de la croyance de As-Salaf, yani, inshallah, une suffisance pour celui qui veut se sauver et qui veut la vérité. Il doit se conformer à cette voie jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se doit de rejeter les opinions, les avis des gens qui n'ont aucun fondement, car on ne connaît pas la vérité avec les hommes, mais on connaît les hommes avec la vérité. Tu dois d'abord connaître la vérité et voir ceux qui appellent à cette vérité. Et non pas l'inverse, parce que c'est tel cheikh qui a dit ça, que c'est une vérité. Non. Comme a dit Ali radiallahu anhu, « Yu'arafu al-haqqu, yu'arafu al-rijalu bil-haqqi, wa la yu'arafu al-haqqu bil-rijal. » On connaît la vérité, يعرف الحق يعرف الرجال بالحق نعم يعرف الرجال بالحق on connaît les hommes avec la vérité. Tu connais ce que c'est la sunna, l'obéissance au gouverneur, la croyance dans le domaine des noms et des attributs, dans le domaine de l'adoration d'Allah, dans le suivi de la sunna, dans le respect de la tradition prophétique, dans l'éloignement des innovations, dans tous ces domaines, tu sais ce que c'est la vérité. Donc les savants qui suivent cette voie, qui suivent la voie de Salaf, c'est eux les savants de la sunna. Et non pas parce que un tel savant, il a tel nom, il est très connu, il passe de les télés ou tout ça, que forcément ce qu'il dit c'est la vérité. Non, tu dois connaître la vérité et ensuite tu sauras qui sont les hommes qui suivent la vérité. Et non pas connaître les hommes, et tout ce qu'ils disent, c'est une vérité. Regardez comment c'est la méthodologie de Salaf. Et pour finir, Cheikh Rahimallah a dit, nous devons implorer Allah et l'invoquer et le supplier de nous montrer la vérité et de nous permettre de la suivre et de nous montrer le faux et l'égarement comme égarement et comme faux et de nous permettre de s'en écarter. Car Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié des croyants et il est le seul qui en est capable, subhanahu wa ta'ala. Voilà la fin de cette description de l'manhaj salafi, malgré qu'elle est concise, mais elle est très riche, comme vous avez pu le constater. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Nous allons nous arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui, et tout à l'heure, nous allons faire le cours de Fadlul Islam, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.